the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure, heaven, and I'll give it to you harder than hell. Ou presque, c'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, on est ensemble jusqu'à 10h, c'est que du fun sur Fun Radio, le morning 100% belge qui vous apporte votre dose d'informations le samedi et le dimanche. Il est là chaque samedi, chaque dimanche, pour nous accompagner également. Bonjour David. Ça va Kaufman? Écoute, ça va plutôt bien. Dans quelques instants, on râlera et on lovera. Tu lovras sur quoi? Attends, j'ai lové sur un truc Kaufman, tu vas voir ça. J'ai peur, quand tu me dis ça, j'ai toujours très peur. Attends, faut que je retrouve le love dans mes papiers. Je t'en prie. C'est gentil, merci. Vas-y, fais comme chez toi. Parce qu'il est 6h58, tu vois, je suis encore très très bien réveillé. Je vais te parler d'une start-up turque qui a fait quelque chose de fou. D'accord. C'est un truc de tes rêves. Toi, tu vas adorer, toi. C'est un truc, dans tes rêves, tu l'aurais imaginé. Eh bien, une start-up turque l'a fait. D'accord. Eh ben moi, je râlerais sur une nouvelle mode féminine qui va pas nous faciliter la tâche à nous, les garçons. C'est tout un programme. Ça se passe sur Fun Radio jusqu'à 10h. On n'oublie pas non plus les cadeaux puisqu'on est venu avec les goodies jeux vidéo, avec la grande box Fun Radio qui contient aujourd'hui des places pour aller à Astérix, des places de ciné, des goodies jeux vidéo. Bref, on a de quoi vous régaler d'ici 10h. Alors, si vous venez de vous réveiller, on vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche. Faites-le doucement, sûrement. Hein, on est là, tranquille. Est détendu. Et comme chaque jour, pour bien commencer cette heure, eh bien on va retrouver le journal des bonnes nouvelles. Soyez les bienvenus, welcome. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous, l'UEFA a dévoilé en milieu de semaine à Londres la liste officielle des 13 villes hôtes qui accueilleront les rencontres de l'Euro 2020. Bruxelles, qui organisera 3 matchs de la phase de poule et un 8e de finale, est accompagnée de Munich, Bakou, Rome, Budapest, Dublin ou encore Londres notamment. Notons que c'est la capitale anglaise qui a été désignée pour organiser les 2 demi-finales ainsi que la finale de l'épreuve. Comme en France cet été, les 24 nations prendront part à la compétition. Reste à savoir si Bruxelles aura la chance d'être choisie ou pas pour organiser le match d'ouverture de cet Euro 2020 dans son futur stade national. Le nouveau président de l'UEFA, Alexander Seferin, à l'occasion de sa toute première sortie officielle en tant que responsable de l'institution, en a profité pour dévoiler le logo de l'Euro 2020. Il représente le trophée Henri Delaunay, stylisé, entouré de silhouettes de supporters de toutes les couleurs, sur un terrain incurvé en forme de pont, symbole du lien entre les 13 villes hôtes de la compétition. Bonne nouvelle, si vous aimez la tartorie, sachez qu'elle pourra être désormais conservée en dehors du frigo, à température ambiante. Selon le ministre Willy Borsus, l'étude demandée par l'AFSCA pour mesurer la dangerosité d'une tartorie conservée hors frigo a conclu que le délice pouvait être conservé à température ambiante durant 12 heures, ce qui correspond à une vente dans la journée qui a suivi la préparation. Le ministre précise que les risques potentiels pour les consommateurs se situent au niveau du riz qui peut être contaminé par des bactéries résistantes aux températures élevées. La question était de savoir si la tartorie pouvait échapper à la règle qui veut que les produits préparés à base de lait ou de crème soient conservés à une température ne dépassant pas les 7 degrés. On connaît donc la réponse. C'est l'histoire d'un beau projet qui émane d'un groupe de jeunes bruxellois. Il consiste à offrir aux sans-abri la possibilité de nettoyer et de sécher gratuitement leurs vêtements. Bulle, la Wasserette mobile. Ainsi se présente ce sympathique projet social sur une plateforme de financement participatif. Inspiré d'une initiative australienne, il entend fournir aux sans-abri de la capitale un accès gratuit à un lavoir mobile à raison de 2 permanences hebdomadaires pour un débit de 120 kg de vêtements par semaine, soit une demi-tonne par mois. L'SBL naissante appelle néanmoins à la générosité du public pour parvenir à boucler son budget. Et elle possède déjà le plus important, à savoir la camionnette, les machines à laver et les séchoirs. Elle tente actuellement de connecter 7500 euros pour couvrir les dépenses secondaires telles que les assurances, les taxes et les frais divers. Le Tour de France 2017 fera escale dans la province de Liège pour la 19e fois de son histoire. Le Tour est fidèle à cette province depuis 1948. Cette récurrence du Tour en province de Liège, il y était encore en 2015 avec l'arrivée au mur de Huy et le départ de Serein, irrite sensiblement les autres régions du pays qui ne cessent de déposer des candidatures. Anvers en tête, mais le Hainaut aussi rarement visité, parfois traversé. En 2017, les concurrents devront donc une nouvelle fois déchanter puisque Liège recevra le Tour lors de la 2e étape du Düsseldorf-Liège, puis le départ de la 3e étape à Verviers. On termine avec un point sur la météo du jour. Le temps devrait se dégrader en cours de journée avec quelques risques de pluie, notamment dans le courant de l'après-midi. On annonce dans la foulée un début de semaine avec un temps assez mitigé. Le prochain rendez-vous de ce journal des bonnes nouvelles, c'est dans une heure. Et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h sur Fun Radio. Le journal des bonnes nouvelles. Fell so far. Écoute de Fun Radio, le son dance floor continue. DJ Snake, Justin Bieber qui arrive. C'est le moment du Saral Salove. On regarde l'actualité toute la semaine et on dit ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Moi, ce que j'ai aimé, c'est une start-up turque qui l'a fait. Après 8 mois de travail, des ingénieurs ont mis au point leur tout premier robot Transformers. Tu connais le film Transformers, Kaufman? Eh bien, ça, ils ont fait ça en taille réelle à partir d'une vraie voiture. Ils ont pris une BMW rouge et ils vont te créer la voiture comme Transformers. Ça leur a pris 8 mois à faire, 12 ingénieurs, 4 techniciens pour faire ça. Et maintenant, donc, la voiture se transforme comme un vrai robot, comme Transformers, comme dans le film. C'est un truc de ouf quand même. Elle fait quoi en fait? Elle fait comme dans le film en fait. C'est la même chose. Donc elle tire des missiles et. Non, elle tire pas des missiles, mais elle marche, tu vois. Elle fonctionne. C'est un robot quoi. Ouais, c'est un robot. À partir d'une voiture, d'une BMW rouge, ils ont conçu un vrai robot. Ils ont mis 8 mois pour le faire. Ça, est-ce c'est que fou, t'as le modèle de Transformers? Le modèle de quoi? Bah, il existe plusieurs, hein, Transformers. Ah ouais, là c'est le truc rouge. Alors je connais pas très bien Transformers pour tout te dire. Bumblebee? Ouais, sûrement. C'est le mec rouge. Non, ça en fait. C'est jaune. Ah oui, non, c'est le chef. Ouais, c'est le truc rouge en fait. Ouais, c'est le chef. Voilà, donc c'est le chef. Ils ont créé le chef au final. Donc magnifique travail d'une start-up turque. D'accord. Toi, tu as râlé, Kaufman. Hein. Bah oui, dans l'actualité, on love et on râle. Et alors moi, j'ai vraiment un coup de gueule ce matin. Je vais vous parler d'une tendance qui sévit depuis quelques jours sur le web, à qui on le doit en fait à une artiste et une maquilleuse qui s'appelle Johanna Adams et qui a publié comme ça sur Instagram des photos de sa nouvelle invention, des lèvres à effet cristal. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un nouveau rouge à lèvres utilisant du pigment métallique. Ouais. Du pigment métallique, ça te laisse à réfléchir, du rouge à lèvres liquide et des petits cristaux. Il suffit de mixer le tout, de se l'appliquer sur les lèvres, et ensuite t'as un effet genre, tu as un diamant sur la bouche, mais ça okay. Fait hyper métallique. Donc ouais. Imagine que tu dois embrasser quelqu'un après, mais tu lui arraches la joue. Ah non, mais c'est clair, mais forcément à croire les réactions, les partages, cette nouvelle tendance, c'est un carton près de la jante féminine, et honnêtement, mesdemoiselles, si vous n'avez pas envie de faire des blessés lourds et graves avec vos hommes, eh bien abstenez-vous, parce que honnêtement, c'est plus artistique qu'esthétique. Mais et t'as vu ça sur Instagram, c'est ça? Exactement, j'ai vu ça sur Instagram. Vous tapez Johanna Adams et vous tomberez sur ses créations. Elles font le buzz sur le net actuellement. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Sachez-le, ça ne plaît pas à tout le monde. Effectivement, Instagram, on en parlait, c'est sur Internet. Effectivement, dans quelques minutes, on parle destination web, Kaufman. Oui, on parlera d'un site, et en l'occurrence le site de Brookstone, qui lance un casque chat. Un casque chat. Eh oui, la tendance est là, mes amis. Voici DJ Snake sur Fun Radio avec Let Me Love You. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. radio. Play song dance floor. Dance floor. En direct sur Fun Radio, c'est que du fun avec le son de mots. Et là, on fait un tour sur le web avec Kaufman. Oui, vous savez que le web propose parfois des idées saugrenues à des artistes de talent. Et là, en l'occurrence, c'est le site de Brookstone qui a proposé à Ariana Grande de lancer sa propre collection de casques. Alors, Ariana Grande, grande artiste, artiste Fun Radio aussi, elle a rien trouvé de mieux que lancer sa collection de casques audio sans fil qu'elle a choisi de décorer de deux oreilles de chat en édition limitée. Je dis bien limitée, heureusement. Ouais. L'objet est disponible en vert, rose, violet et bleu pour la somme de $150, soit environ 135€. Et donc déjà on précommande sur le site de Brookstone. Ariana Grande partira en tournée en 2017 pour défendre son dernier album Dangerous Woman. Et espérons qu'elle ne porte pas son casque chat. Je l'ai vu. Et il ressemble à quoi? Bah, si t'as envie de faire Catwoman en écoutant la musique, c'est plutôt ça. Avec des petites oreilles pointues en fait sur ton casque. Ici là, sur les deux bouts du casque. Non, au-dessus. Ah, au-dessus. Ah oui, ouais. Comme les oreilles de lapin finalement. Ouais, c'est ça. Ah, sympa ça comme truc. Ça coûte combien? Ça coûte 135€. Ah, ça va. Je vais le prendre, je crois. Si vous avez... Oui, bah écoute, je viendrai plus te voir alors. Écoute, si tu as envie en plus de le précommander, c'est sur le site de Brookstone.com que ça se passe. L'actualité web reviendra tout à l'heure avec une info plutôt techos qui va plaire à ceux qui aiment mettre des baskets, puisqu'on vous parlera de baskets qui se lassent tout seul. Donc plus besoin de faire vos lacets les amis, hein. Ouais, en parlant de basket, on va faire un tour du côté du sport dans quelques minutes. On va voir si Kaufman a bien parié hier ou a mal parié. D'accord. Et tu vas encore relancer des paris. On vous dit tout sur les rencontres sportives de ce dimanche les amis. On est en direct jusqu'à 10h. Le son de Floor continue là avec le son de mots.

That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Si vous prenez votre petit déjeuner. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Je vous propose une nouveauté Fun Radio, on le kiffe tous à la radio. Ça s'appelle Armand Van Helden. Je vous propose de le découvrir maintenant. Vous êtes branchés sur Fun Radio, continue le son dance floor avec la Belge Unique. Et là on s'intéresse au sport. Kaufmann parie le samedi, le dimanche, il sort son porte-monnaie, il parie sur les rencontres sportives. Hier on avait fait, si tu te rappelles Kaufmann, oui, le championnat belge. Oui. T'avais parié sur une victoire de la Gantoise, si je me oui, trompe pas. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Oui. La Gantoise a gagné. Oui. Ah, tout courant. Oui, bien sûr. Ah, ok, très bien. J'ai été encaissé l'argent ce matin. T'avais parié aussi sur une victoire de Charleroi. Oui. Contre Ostende. Oui. Ça donnait quoi? Charleroi a gagné. Une victoire de Charleroi. Donc t'es en forme en ce moment, Kaufmann, de ce que je vois. Il faut suivre tes conseils. Écoute, je viens changer de voiture. Ah oui, ok, voyons. Il gêne pas celui-ci. Alors qu'on va parler des matchs d'aujourd'hui, championnat belge. On va commencer par Anderlecht contre Westerlo. Ok. D'accord. Victoire d'Anderlecht côté à 1,18. C'est-à-dire que si tu mises 1€, tu gagnes 1,18€. Match nul 6,25. Victoire de Westerlo 11. Écoute, on va rester dans la région bruxelloise. On va soutenir nos amis Anderlechtois. Ok, ouais, de toute façon, Westerlo sont lanterne rouge, hein, ils sont derniers. Donc il y a peu de chance pour eux. Autre match, Courtrai contre Genk. Victoire de Courtrai 2,6. Match nul 3. Victoire de Genk 2,6 aussi. Genk. Ah, Genk. Ouais. Ah, je note alors. Ok, Genk. Et donc Anderlecht aussi. Ouais. Ok, formidable. On va dernier match. Standard Liège contre Pen. Victoire de Liège 1,6. Match nul 3,7. Victoire de Pen 4,8. Écoute, j'aime les Liégeois et ils me le rendent bien. Donc Standard de Liège. Ok, donc pour toi, Liège, Genk et Anderlecht. Exactement. Et si t'es encore bon, tu vas te ramasser un sacré pactole. Bah, tu me verras pas la semaine prochaine, tout simplement. Ah, c'est ça, ok. Dans quelques minutes, on va s'intéresser à la télévision. Je vais vous dire combien gagnent les stars de la télévision belge. Ah oui, je donne leur salaire. C'est comme ça, je vous le dis. Je balance tout leur salaire. Kaufmann va faire les jeux vidéo dans quelques minutes aussi. Oui, on parlera de jeux vidéo et on vous en offrira aussi avant 10h. On parlera de la Nintendo NX qui arrive en mars 2017. Mais là, voici la belle, l'unique, mais avec merci. Mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The other them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Mercy, none of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Bon début de journée sur Fun Radio, les amis, le son dance floor. Ça se passe avec Rihanna et Drake. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Et comment nous joindre? C'est la question que vous vous posez peut-être. Et bien c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook C'est que du fun. On tape C'est que du fun Kaufmann dans la barre oui, de recherche. On tape C'est que du fun dans la barre de recherche. Ou On, plus directement, vous prenez votre GSM, votre mobile, vous nous envoyez un petit SMS, le numéro auquel envoyez votre message, c'est le 3044 pour 50 cents. Vous nous dites comment ça va, hein, la famille, ce matin. On est là, tranquille, détendu, jusqu'à 10h. Et moi, j'aimerais bien encore savoir ce que vous allez petit déjeuner ce matin, parce que je suis à la recherche d'idées en sortant de la radio. Ah ouais, j'aimerais bien manger un truc sympa. Qui sort des clichés. Genre... Tu vas pas manger une tartiflette le matin, par exemple, tu vois. Non, mais j'aimerais bien une idée qui sort un peu des sentiers battus, à savoir, j'ai envie d'éviter la coucou au chocolat ou le croissant. Ouais. Donc, je me demandais ce matin si vous aviez des idées à me proposer. 3044, 57 le message. Ou par Facebook, vous tapez CQ du Fun, vous envoyez un message. J'ai envie d'idées pour savoir quoi petit déjeuner ce matin. Et me sortez pas une tartine ou une Nutella, parce que ça fait partie des idées reçues aussi, hein, des trucs un peu trop traditionnels. Je sais pas, moi. Je cherche on va dire la confiserie, la pâtisserie avec des œillets là. Comment ça s'appelle? Avec quoi? Avec des œillets, des deux petits ronds là. Comment ça s'appelle ça? Un 8. Un 8, voilà, ça c'est trop bon ça. Ah, ouais, ouais. Ah non, c'est original, ça change un peu de la couque. Ah oui, bah c'est juste la forme qui change, mais bah sinon oui, ça reste une viennoiserie. Bah oui. Je sais pas, proposez-moi des œufs brouillés à quelque chose de spécifique. Non. Mais non, pas le matin ça. Non, pas les œufs brouillés le matin. Ah bah ça se voit que t'es jamais là en Angleterre. Hein. Ouais, mais en Angleterre ils mangent ça avec du jambon, non, du mais bacon. Avec même des saucisses. Ah non, mais arrête, qui mange ça? Qui mange ça honnêtement? Moi. Toi tu manges ça? Ouais. Ah oui, je comprends mieux. Bah oui, évidemment. Écoute, je veux dire, il faut bien se nourrir, hein, surtout quand tu te lèves à 5h du matin. Tout ça pour dire, hein, allez, je compte sur vous, parce que lui il va pas m'aider forcément. Donc vous envoyez au 3044 vos idées de petit déjeuner. Si vous avez quelque chose d'original à proposer, balancez la famille. On est là jusqu'à 10h et ça fait plaisir de vous retrouver chaque week-end pour un morning 100% belge dans lequel on vous diffuse plein d'infos comme ça et plein de cadeaux aussi. Ça c'est à venir. Ouais. Donc restez bien là. Hein. Ouais, je suis sur la page Facebook, c'est que du fun là. On est bientôt à 23 000 quand même. Hein. Bientôt à 23 000. Il manque vraiment très peu de monde, donc allez-y, venez rejoindre la page c'est que du fun. Je vais vous dire qui interagit avec nous en ce moment. Il y a Jean-Paul qui est avec nous. Il y a Nathalie, il y a Delphine qui interroge avec nous. Donc merci à vous. Allez-y, rejoignez la page Facebook C'est que du fun. Bientôt 23 000 à être ensemble. Et on va encore organiser plein de concours sur la page. Kaufman, tu me l'assures, hein? Ah bah bien sûr, cette semaine on va lancer un nouveau concours. Mais ah oui, ça se passera lundi ou mardi en fonction de l'actualité. Mais rassurez-vous, on est là pour vous régaler, pour se régaler tous les week-ends. Ouais. Samedi, dimanche, 7h, 10h. On est dans la place pour votre et notre plus grand plaisir. Merci de nous avoir choisis. Et puis, dans quelques secondes, on vous parlera de jeux vidéo et de la Nintendo NX. On vous régalera avec des cadeaux. Bref, on est happy. On a le smile. Et c'est plutôt bien comme ça. On a le smile aussi avec les deux artistes. Là, il paraît qu'ils sont ensemble. Rihanna et Drake avec Too Good sur Fun Radio. Welcome. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as expectation. Last night I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got something.

t'es réveillé pour la journée. Ah, c'est pour ça qu'on t'appelle le Mac dans le métier. Je me disais aussi, c'est bizarre. Il y a aussi des petits feuilletés au fromage, jambon de dinde et œufs au plat accompagnés de tomates, concombres. Lola qui nous dit ça. Écoute, après ça, je pense plus bouger. Je pense aller redormir. Mais merci Lola, parce que honnêtement, je vais faire ça. À mon avis, ça sera prêt à midi. Hein, mais... ouais, t'as vu comment c'est chargé, tomates, concombres, dinde, il y a tout. Hein. Œufs au plat. Et une autre personne qui nous dit aussi flocons, poudre, milkshake, chocolat et blanc d'œuf liquide et du lait. Ouais, c'est des flocons d'avoine, poudre, milkshake, chocolat et blanc d'œuf liquide et du lait. Mais je vais pas courir le marathon, donc je suis pas sûr que j'ai besoin de autant de vitamines. Et continue à m'envoyer des idées, parce que avant 10h, je choisirai l'idée du petit déjeuner que je mangerai ce matin. C'est vous qui allez me la donner et je lirai absolument toutes les idées que vous enverrez à l'antenne. C'est 30-44 pour 50 cents le message. Vous me donnez une idée originelle de petit déjeuner et moi je la réalise ce matin et je posterai même la vidéo, enfin non, peut-être pas, mais la photo sur Facebook. Ouais, effectivement, c'est-à-dire qu'on va faire un truc, Kaufman. Par SMS au 3044, ils vont dire leurs idées. Oui. Pour l'instant, c'est quoi la meilleure idée pour toi là? Écoute, pour l'instant, choisis bien. Pour l'instant, la tartine avec les filets de macaron me tente bien. C'est assez simple, c'est très efficace, c'est très original. Donc pour l'instant, numéro 1, tartine avec filets de macaron. Je retiens, Kaufman. La semaine prochaine, donc samedi prochain, on est en direct, hein, 7h-10h. Samedi prochain, dès 7h, tu vas donc prendre pour l'instant tartine avec filets de macaron. Ah, mais moi je le fais ce matin. Ah, tu le fais ce matin? Ah, bah moi je le fais dans l'émission la semaine prochaine. Non, moi je le fais ce matin et je poste la photo ce matin. J'ai faim ce matin là. Ok, très bien. Donc vous m'envoyez une idée originale de petit déjeuner à réaliser après l'émission, après 10h, au 30-44. Vous évitez les clichés, vous évitez la coucou chocolat, le croissant, sortons des sentiers battus, soyons fous, c'est que du fun après tout. Donc vous envoyez au 30-44 vos idées de petit déjeuner, celles que vous mangez lorsque vous avez envie de vous faire plaisir. Un petit plaisir comme ça, gustatif, culinaire, eh bien ça ne tue personne. On m'envoie eux sur le plat avec pain au raisin grillé avec du beurre salé. Ah ben moi je... Alors là, je commence à craquer doucement, là. Ah, c'est pas mal, ça, sur le plan. Moi, j'aime bien, beurre salé aussi, j'aime bien ça. Ouais, parce que forcément, il y a un mélange des saveurs. C'est craquant, c'est croquant. Le cuisinier Kaufman, maintenant. 30-44, envoyez-moi vos idées de petit déjeuner. Ça va être le fil rouge de cette émission, hein, je le sens. Ouais, effectivement. Là, on va parler un peu télé, Kaufman. Tu regardes la télévision, tu mates la télé roche, comme on dit. Oui. Et tu sais combien gagnent ou pas les stars de la télé belge? Est-ce que tu as une idée des salaires Bah, ça doit être pas mal payé, ouais. Pas mal payé. Par exemple, pour toi, un mec qui fait le JT depuis, allez, 20 ans, il gagne combien sur la télévision belge? Par mois? Ouais, par mois. Ouais, il doit toucher 15-20 000 euros. Eh bah non. 3000 euros net par mois. 3000 euros net par mois. C'est pas beaucoup. Bah alors, je me dis qu'à Fun Radio, on est peut-être bien payé, en fait. T'as vu ça? C'est quand même fou, hein. Il y en a qui vont jusqu'à 4000 euros quand même net par mois. Pour un animateur, on va dire comme Jean-Michel Zeka, par exemple, hein, c'est pas son salaire, mais voilà, par exemple, combien à ton avis? 10 000 euros net par mois. Non, 5000. 5000 euros net par mois, c'est pas énorme, je trouve, quand même. Bah, si on compare à un territoire comme la France, c'est sûr que c'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Par exemple, on va dire un Laurent Delahousse, équivalent pour nous, chez nous, il gagne que 3000 euros, mais Laurent Delahousse en France, il gagne 18 000 euros. 18 000 Ah ouais, il y a quand même une nette différence, hein. Bah, c'est 5 fois et 5 fois. Ouais, c'est quand même fou, hein. Ouais. Donc ils gagnent que entre, on va dire, 2000 et 5000 euros net, les animateurs de la télévision belge. Donc c'est pas énorme, voilà. Non, c'est pas énorme. Comme ça vous êtes au courant, si vous aimez la téloche, ben voilà, ils gagnent que ça les animateurs. On dit souvent, ouais, les animateurs ils sont payés des masses et des cents. Kaufman il est payé 0 euros, il est là, hein, donc, écoute, si vous avez envie de me donner une idée de petit déjeuner qui coûte pas cher, c'est encore mieux, hein. 30-44, c'est le fil rouge de ce matin. Donnez-nous des idées à réaliser. Avant 10h, je m'engage à réaliser votre idée de petit déjeuner. Et donc allez-y. Et là, en l'occurrence, voici The Chainsmokers et Closer sur Fun Radio. When I'm okay, hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Pink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room, and I can know that we ain't ever getting older. Bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle David Yakovman qui est là, c'est que du fun, 7h, 10h en direct sur Fun Radio, le son de The Parakeet qui arrive. Et on va parler des jeux vidéo avec Kaufman. Oui, on parlera eh bien, notamment de la Nintendo NX qui sort en mars 2017. On a quelques infos à vous donner. Les infos, jeux vidéo et les cadeaux qui arrivent aussi. On a plein de cadeaux. Je vois les 21 Pilots qui arrivent dans quelques minutes bientôt. Donc préparez bientôt votre SMS avec concert au 6322. Il y aura aussi la grande box Fun Radio. On a des places pour Astérix, des places de cinéma. On a des goodies jeux vidéo. On a plein de cadeaux à vous offrir. Jusqu'à 10h, on a aussi du son dance floor avec The Parakeet sur Fun Radio. Partez vous éclater au concert des 21 Pilots en Finlande grâce à Fun Radio. Écoutez Fun Radio non-stop tout le week-end. Dès que vous entendez 21 Pilots, soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. Un euro message pour gagner l'album Blurry Face et peut-être votre voyage à deux avec transport et hôtel pour vous éclater au live des 21 Pilots le 25 octobre en Finlande. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Laissez-le dans la boîte à gants. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Hein, non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je tape dans les canettes vite, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile.

la pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris son regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour j'ai toi. T'es tout donné. À l'écoute de Fun Radio, le son dance floor continue avec Son of Legend. Il y a toujours autant de réactions pour le petit déjeuner de Kaufmann, hein, ça n'arrête plus. Il y a des galettes sucrées aux flocons de millet, je sais pas ce que c'est les flocons de millet. C'est une espèce de céréale qui facilite la digestion. Ah, c'est pas mal ça, ouais, tu vas passer ton temps aux toilettes toi après. Non, et à la vanille aussi. Ouais, moi je trouve que c'est une belle association des galettes sucrées le matin avec quelque chose de très frais à boire. Vous continuez à m'envoyer vos idées de petit déjeuner, des idées originales. Hein, celles que vous faites en dehors des pains briochés, des croissants, des cocos au chocolat, etc. Quelque chose d'original, montrez-moi que vous êtes là la famille. J'ai besoin de vous au 3044 pour 50 cents le message. Vous m'envoyez vos idées de petit déj ou sur la page Facebook, je viens de poster un sujet hein, pour vous demander votre aide et avant 10h je vous dirai quel petit déjeuner je réaliserai. Ça sera soit ce matin, soit la semaine prochaine, mais je réaliserai l'idée qui viendra. Donc si c'est le macro qui tient la corde, ben je viendrai avec un macro entier, je le découperai ici dans le studio. Ça peut être bien vraiment. Ah, ça peut être sympa ça. Donc, macro dans le studio, j'ai hâte quand même. Ah bah vive l'odeur. Donc vous continuez à nous envoyer vos idées de petit déjeuner original. J'ai faim, j'ai besoin de vous la famille. 3044, c'est des petites idées comme ça. On en a tous des petites idées de petit déj qu'on se réalise de temps en temps. Je dis pas qu'on les fait tous les jours parce qu'à force, voilà, mais c'est des petites idées qu'on garde sous le coude. Donc 3044 pour 50 cents le message. Ouais, et la page Facebook, c'est que du fun. Le fun game, il est prêt, Kaufmann ? Il est au taquet. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufmann de Smart Toys. Et on va parler de la Nintendo NX. Bah oui, l'arrivée de la Nintendo NX, la nouvelle console du constructeur japonais Nintendo, arrive à grands pas et les spéculations vont bon train. Aujourd'hui, une rumeur intéressante nous parvient d'un site, Digitimes en l'occurrence, et évoque la production de la machine. Très intéressant de savoir à combien elle va être produite parce que ça montre un petit peu les ambitions du constructeur. Pour rappel, la Nintendo NX, nouvelle console de Nintendo, c'est une console hybride qui se branche à la fois sur la télévision mais qui se transporte aussi avec soi, donc c'est un peu la console portable mais aussi la console de salon. Et selon la source, en l'occurrence Digitimes, la production annuelle de Nintendo NX est estimée entre 9,5 et 10 millions d'unités. Ah, quand même. Ouais, un beau chiffre que la firme Nippon peut atteindre avec une belle machine. Donc les ambitions sont là et c'est ce qu'indique ce chiffre. Rappelons tout de même que la Nintendo NX est attendue pour mars 2017. On n'a pas encore le jour, mais on vous tient au courant. Nintendo NX qui normalement devrait quelque part révolutionner la manière de jouer, puisque c'est une console qu'on emporte avec soi, donc on continue le jeu une fois qu'il est fini sur son écran. Effectivement, mars 2017, c'est bien ça? Exactement. C'est le mois de mon anniversaire, Kaufman. Si t'as pas d'idée, NX, c'est pas mal, hein. Je te rappelle que t'as toujours en commande une Nintendo 3DS que tu n'es pas venu chercher au magasin Smart Toys. C'est vrai, effectivement. Dans quelques minutes, il y aura les 21 Pilots. Et ça veut dire qu'il y a des cadeaux à gagner. On aura l'album à vous offrir et vous allez aussi participer au grand concours, on va dire, pour gagner un voyage à Helsinki. On vous offre l'hôtel, le voyage, le concert avec les 21 Pilots. Donc allez-y, il faut envoyer concert au 6322. C'est 1€ par message. Commencez déjà à envoyer concert. Parce que moi, je vous le dis, voilà, normalement, il y a du suspense, etc. etc. Bon, je m'en fous du suspense. 21 Pilots, ils arrivent dans 5 minutes. Donc allez-y, commencez à envoyer concert au 6322, 1€ par message. Helsinki, magnifique voyage, Kaufman. Hein. Ah, bah oui, en plus, ce que t'as oublié de dire, c'est que vous saurez déjà cet après-midi si oui ou non vous partez en Finlande. Helsinki, parce que Fun Radio, partenaire des plus beaux concerts cette année, vous envoie en Finlande voir les 21 Pilots. Vous allez vous régaler. Ah, ouais, vraiment. Le voyage, le transport, l'hôtel. Bref, le concert, évidemment, vous allez pouvoir admirer ce groupe qui fait tant sensation. Et évidemment, Fun Radio ne pouvait que vous régaler en ce dimanche matin. Vous envoyez concert au 6322, concert au 6322, concert au singulier, C-O-N-C-E-R-T, au 6322 pour 1€ le message. Et là, d'office, si vous êtes sélectionné, on vous offre, on vous file l'album, c'est cadeau, c'est pour nous. Et puis cet après-midi, si ça se trouve, vous faites vos bagages, vous emportez les doudounes avec, parce qu'il fait quand même un peu plus froid à Helsinki. Et bah, vous nous enverrez, j'espère, un petit souvenir, un petit selfie, histoire de nous dire comment ça a été, parce que je suis sûr que le gagnant, il est là. Il est là, il est tout prêt. Concert au 6322 pour 1€ le message. Effectivement, toi, tu viens de Palaud qui débarque dans quelques minutes, mais là, c'est le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous. À chaque fois qu'il chante, un Britannique atteint de la maladie d'Alzheimer retrouve ses souvenirs. Son fils a du coup décidé d'immortaliser ses moments en postant régulièrement les images de son père lors de ses interprétations. Dans le même temps, il a décidé de lancer une cagnotte en ligne pour lever des fonds à destination d'une association caritative britannique dédiée aux malades souffrant de cette maladie. Lancée le 9 juin dernier, la cagnotte a déjà récolté près de 140 000 euros. Ses vidéos atteignent quant à elles sur YouTube le million de vues pour la plupart. Un succès né sur le web qui a depuis pris une dimension bien réelle. Il s'est en effet vu proposer d'enregistrer plusieurs titres dont les bénéfices seront reversés à la famille et à l'association. L'enregistrement a eu lieu à Londres. Le producteur a salué la remarquable voix de Teddy qui entame à 80 ans une seconde vie. Il y a du changement dans le système d'attribution des bourses pour les étudiants de l'enseignement supérieur. La fin des allocations pour les étudiants qui redoublent, c'est du passé. Le critère d'obligation de réussite est retiré, un changement qui fait suite à la réforme des allocations d'études portée par Jean-Claude Marcourt et entérinée au cours du Conseil des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles en milieu de semaine. Les discussions ont également débouché sur des propositions concrètes. Désormais, l'octroi d'une allocation d'études ne se fera plus que sur le seul critère financier, c'est-à-dire celui qui tient compte de la réalité socio-économique de l'étudiant. La méthode de calcul se basera désormais sur l'ensemble des revenus du ménage de l'étudiant. Actuellement, près de 35 000 étudiants bénéficient d'allocations d'études supérieures, le tout pour un montant annuel de 38 millions d'euros. Aujourd'hui, le montant d'une allocation moyenne équivaut à environ 1080 euros. Le football entre dans la course des énergies renouvelables. Si le Brésil a fait beaucoup parler de lui cet été avec les Jeux Olympiques de Rio, des avancées discrètes ont eu lieu dans ces favelas. Et pourtant, un stade unique a été inauguré dernièrement avec une première mondiale. Un terrain de foot éclairé par la seule énergie produite par les joueurs qui le parcourent. Ce projet d'une entreprise britannique a été réalisé grâce à cette technologie des plaques cinétiques. Celle-ci, bien cachée sous la pelouse artificielle, transforme les mouvements des joueurs en électricité. Cette technologie est encore jeune, mais elle est de plus en plus expérimentée. Testée pendant les Jeux Olympiques de Londres et le Marathon de Paris, elle est aujourd'hui utilisée dans un des terminaux de l'aéroport de Londres. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller fouler ces sols magiques, continuez au moins à cultiver votre imagination pour améliorer demain. Toutes les idées nécessitent vos cervelles en mouvement. Un homme est parvenu à remporter la somme de 2 249 825 euros après une mise initiale de 5 euros et il a réussi cette prouesse du premier coup. L'homme a tenté sa chance au jeu Mega Millions, un jeu populaire qui ne délivre le jackpot qu'une ou deux fois par an aux Pays-Bas. Les mises de toutes les machines sont additionnées jusqu'à ce que l'un remporte le jeu. Le regagnant a préféré rester anonyme. Quant au record des gains dans l'histoire du jeu, il s'élève à 3 650 610 euros et date de décembre 2015. Un petit mot pour conclure sur la météo du jour. Après la belle journée d'hier et des températures agréables, le temps devrait se dégrader en cours de journée avec quelques risques de pluie, notamment dans le courant de l'après-midi. On annonce dans la foulée un début de semaine assez mitigé. Belle journée avec nous sur Fun Radio. Je vous retrouve demain matin pour les prochaines infos avec Bruno dans la radio. Bon dimanche à toutes et tous. Je vous laisse avec C'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Commencer à vous offrir des cadeaux, l'album des 21 Pilots plus le voyage si vous gagnez à 17h30 dimanche votre participation aujourd'hui. Dans 5 secondes, il va falloir envoyer le mot concert au 6322 pour 1€ le message. On vous souhaite bonne chance. Voici les 21 Pilots qui débarquent. C'est le moment, c'est l'instant. Dès que vous entendez 21 Pilots, soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. 1€ le message pour gagner vos albums Blurry Face. Et peut-être votre voyage à deux avec transport et hôtel pour vous éclater au live des 21 Pilots. Le 25 octobre en Finlande. Fun Radio. Le son d'Elsie. I just wanna stay in the sun where I find. Sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. it's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But it don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Au concert des 21 Pilots en Finlande grâce à Fun Radio. Eh oui, c'est le moment de découvrir qui va gagner ses places et aussi l'album tout d'abord. Pour ouais. Allez, les 21 Pilots, qui a gagné, on accueille Leïla qui est avec nous. Salut Leïla. Bonjour. Bonjour Leïla, ça va? Ça va, et vous? Bien, alors ça tu aimes les 21 Pilots toi? Oui, franchement oui. Tu sais, c'est un copain qui me l'a fait découvrir, donc... Ouais, tu sais que Fun Radio est partenaire des plus beaux concerts cette année encore et que bah, il va falloir nous envoyer quoi par SMS pour tout d'abord gagner l'album des 21 Pilots. Concert. On vérifie. Bravo! Bravo Leïla, tu repars déjà avec l'album des 21 Pilots cet après-midi aux alentours des 17h30. Tu pars peut-être à Helsinki avec la personne de ton choix, hein, voyage, transport, hôtel, ouais, le concert, la totale. Alors Helsinki fait un peu plus froid qu'ici. J'espère que t'as des vêtements chauds si jamais la chance te sourit. En tous les cas, merci de nous écouter. Tu faisais quoi là ce matin? Là j'étais chercher le petit déjeuner. Ouais, t'as pris quoi? Manger. T'as pris quoi? Parce que moi c'est mon fil rouge. Croissant au chocolat. Croissant au chocolat, ok. Ah, j'aime bien ça. Je note croissant au chocolat pour ouais. Leïla. Merci Leïla, on te fait de gros bisous. Merci à vous. À bientôt, bisous. Bisous Leïla. Ne raccroche surtout pas. Hein. On prend des coordonnées en antenne, ne raccroche pas. C'est important. Merci Leïla. Ça serait dommage si près du but. Merci. Oh Leïla, raccroché. imagine Leïla. Ouais, c'est bon, je raccroche, les gars, j'ai gagné. Je n'ai rien à faire. Allez, dans quelques minutes, tu auras le Saral, Salove. Il y a encore plein de cadeaux à vous faire gagner. Il y aura toujours le Fun Game, il y aura la grande box Fun Radio. C'était une émission encore de ouf aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 10h. Et là, c'est Moum sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's all you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. The unknown. The unknown. are younger and you forget to wonder what is it you want to love, what is it you want to love, what is it you want to love. Suddenly it's all real, suddenly it's all you feel, you're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's all you feel, you're free now, you're all you have to give. The unknown. Left to do but to feel it all. You're alive now, to die is dust, nothing less or something more. Something more. Merci d'être avec nous, on est en direct sur Fun Radio, 7h-10h le samedi, le dimanche, et que du fun. On continue le son Dance Floor avec Imani. Et dans quelques secondes, le Saral, Salove, Kaufman, tu vas lever sur quoi? Eh bien, j'ai changé mon love à la dernière minute, je vais lever sur le panda de Perry Deiser. Ah, le panda, ah oui, j'ai vu ça encore, le panda, on le voit partout celui-ci. Hein. Oui, c'est la petite star locale, mais j'aime bien. Moi, je vais râler sur une personne qui s'est mise seins nus. Tu vas tout comprendre, Kaufman. D'accord. Dans quelques secondes, on vous explique tout ça juste après Imani sur Fun Radio. Au soleil ou à la neige? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Au cinéma, il y a ceux qui aiment les films de guerre, avec des héros qui tuent la moitié des méchants. Ou encore ceux qui aiment les comédies, parce qu'ils sont morts de rire la moitié du temps. Ou ceux qui aiment la science-fiction, avec des extraterrestres qui en veulent à la moitié l'univers. Parce que vous aimez le cinéma, et pas qu'à moitié, faites-le plein de films au BNP Paribas Fortis Film Days. Du dimanche 25 au mercredi 28 septembre inclus, 4 jours full cinéma et chaque ticket à moitié prix. À ce tarif-là, tout le monde y va. My station. This is fun. Fun radio. Play song dance floor. Touch of your skin.

toutes ces secondes qui filent. La vie qui nous prend la danse est filée. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Combien d'été reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. So fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Dans quelques secondes, c'est Quintino qui débarque sur Fun Radio. Et là, c'est l'heure de râler et de lover. On regarde l'actualité et on dit ce qu'on aime, ce qu'on a détesté. Et Kaufman, lui, il a lové, il a aimé une actu. Oui, le parc Péridaïsa a posté ce samedi sur sa page Facebook une courte vidéo. Sur celle-ci, on voit le bébé panda Tian Bao, âgé de presque 4 mois, en plein test de la marche à 4 pattes. Pas évident du tout pour lui, même si l'Orcidé fait des progrès depuis ses dernières tentatives fin août. En plus, bon, il est trop mignon. Tout le monde a envie de l'adopter. Tout le monde a envie d'avoir un panda chez lui. Même moi, j'ai envie d'avoir un petit panda chez moi. En plus, Tian Bao, je te rappelle que ça signifie en français trésor du ciel. Trésor du ciel. Ouais. Moi, j'en ai honnêtement, je vais te dire, Kaufman, honnêtement, hein. Oui. Moi, j'en ai marre du panda. On en parle tout le temps du panda. Il n'y a que le panda, le panda, le panda, le panda. Moi, j'en ai marre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, au 3044. J'ai dit, envoyez-nous un message, 3044, 50 centimes par message, pour nous dire si vous aimez le panda. Est-ce que vous en avez marre d'entendre parler du panda tout le temps? Moi, ça me gave, le panda. Il me gave. Honnêtement, je l'aimais bien au début. Je me dis, oh, c'est sympa, c'est mignon. Mais là, on en parle tous les jours. Tous les jours, le panda, il a marché, le panda, il a mangé, le panda, il a fait ça. Bah moi, oui, parce que c'est assez unique d'avoir une naissance d'un panda. Enfin, d'avoir un panda aussi jeune et de pouvoir l'observer, donc forcément on s'attache. Christophe Maé, le mec. Moi, ça m'énerve. Dites-nous ce que vous en pensez au 3044. Et il y a autre chose aussi qui m'a énervé dans l'actualité, c'est une journaliste qui a décidé de se mettre seins nus dans les rues de Paris. Et oui, la jeune femme a remarqué que l'interdiction de s'afficher torse nu dans un lieu public peut mener à une peine de prison d'un an et de 15 000 euros d'amende. Mais elle a dit, ça s'applique pas de la même manière pour les garçons et pour les filles. Quand un garçon est torse nu, on lui dit rien. Quand une fille est torse nu, on lui dit, on lui fait la remarque. Ouais. Et en plus, elle prend une amende, une fille. Alors, elle voyait pas pourquoi il y avait une telle différence entre les garçons et les filles. Elle a donc décidé de sortir et de faire un jogging torse nu pour montrer qu'elle aussi, elle avait le droit de, voilà, de mettre ses nénés à l'air. Et donc, elle a mis ses nénés à l'air. Et donc les policiers l'ont même arrêté, ils l'ont pas mis d'amende, ils lui ont dit effectivement on vous comprend mademoiselle, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et moi ce qui m'a énervé c'est la journaliste. Ok, il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais le torse d'un homme n'est pas le même qu'une torse d'une femme. Après ça dépend des personnes, mais voilà, mais c'est pas le même. Pour moi ça me choque, tu vois, ça me choque de voir une fille torse nue faire un jogging. Alors un homme torse nu ça me choque moins. Bah t'as un gros vénère en fait. T'aimes ni les pandas ni les femmes au sein nu, donc forcément, je sais pas ce qui t'arrive. Hein, je te reconnais plus. Ah du non tout. Mais ça m'a énervé aujourd'hui. Hein, et, je suis vénère. Et qu'est-ce que tu dirais si on sortait un panda au sein nu? Voilà, voilà, c'est mort. Je me tue là. C'est pas possible. Non, ouais, c'est la fin là. Voilà, ça m'a énervé ça. Dans quelques secondes, on va encore parler de jeux vidéo, Kaufman. Hein. Oui, j'ai toutes les dates à vous communiquer sur Call of Duty Infinite Warfare, le prochain Call of. Les dates de la bêta se précisent sur PS4 et One. Je vous communique l'entièreté des informations. Ouais, et on va jouer au combien ça coûte dans quelques secondes. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Hein. Goodies et jeux vidéo sont au programme. On a ramené eh bien de quoi se régaler, plutôt vous régaler. Merci de nous avoir choisi. Merci d'avoir choisi Fun Radio. Régale-moi, Kaufman. Vas-y, régale-moi. C'est que du fun le samedi, le dimanche, 7h-10h. Si vous avez des petites idées originales, des petits déjeuners, vous les envoyez au 3044 pour 50 cents le message. Des idées originales de petit déj. La voici Quintino et Can Fight sur Fun Radio. You only come and go when you feel like it. Been at it for a while, but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. Love is messing with my head. Love is messing with my head. And it just ain't fair. You know I can't fight it. Ça met de bonne humeur pour se réveiller. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 10h. Et Kaufman qui tousse, t'étouffes pas mon Kaufman, t'étouffes. Non, non, mais ça va aller. J'ai été pris d'une quinte de tout là, je sais pas ce qui m'arrive. Et j'ai besoin d'idées pour le petit déjeuner. Et quand j'ai lu l'idée qui arrivait là au 3044 pour 50 cents, le message, j'ai failli m'étouffer. On me parle d'un 4/4, je sais pas si tu vois ce que ouais, c'est. Ouais, je vois, ouais. D'un 4/4 fourré à la châtaigne et au chocolat. Châtaigne, chocolat ça va, châtaigne je suis moins fan. Non déjà. Mais les trois à la fois c'est un étouffe belle-mère quoi. Dans quelques secondes de son dance floor ça se passera avec Major Lazer, Justin Bieber, le titre Cold Water. Mais là on va jouer au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête, le but est de retrouver à quoi correspond ce prix. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, 1€ par message. On a plein de cadeaux pour vous, oui. Kaufman a fait le plein hein. Goodies et jeux vidéo sont au programme, on a de quoi vous régaler, donc je vais poser des questions et au fur et à mesure si vous avez des petites idées idées qui vous viennent. Ouais. 63,22 pour 1€ le message. Le prix du jour est de 9€. 9€, et moi je vais poser des questions. Est-ce que c'est un objet professionnel ou privé? Privé, j'ai envie de dire. Privé. Est-ce que tout le monde l'a chez soi, cet objet? Oui, la plupart des gens. Pas tout le monde, hein, mais ouais, il y a la plupart des gens qui... Ouais. Est-ce que ça sert aussi bien aux grands qu'aux petits? Plus aux grands. Plus aux grands. Est-ce que c'est un objet qui se trouve dans une pièce spéciale de la maison? Ça peut. Ça peut. J'aime bien quand tu réponds ça peut. Ouais, ça peut. D'accord. Est-ce que on l'utilise pour cuisiner? Pour cuisiner, non. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, 1€ par message. On a plein de cadeaux à vous faire gagner encore aujourd'hui, un dimanche, là, dimanche 25 septembre. Donc allez-y, 6322, 1€ par message pour nous envoyer des réponses. Tentez, hein. Moi je vous dis si vous êtes proche, si vous êtes loin, donc allez-y, tentez. 6322, les amis. Est-ce que c'est un objet électrique, électronique? Non. Est-ce que on peut. Est-ce que. Ah oui, tiens, j'ai... est-ce que c'est une couleur particulière? Une couleur particulière. Ouais. Oh, ça peut. Ça peut. Ça peut toujours avec moi. D'accord. Est-ce que on l'utilise dans des circonstances bien particulières ou on peut l'utiliser tout le temps? On peut l'utiliser tout le temps. D'accord. Est-ce que ça, c'est un objet de décoration? Oui. D'accord. Est-ce que c'est aussi un objet pratique? Oui. Oui. Oui et non. Oui, oui, oui. C'est plus un objet de déco. Vraiment, là, la décoration, on est bien. On est bien parti. L'objet de déco, on y va. Là, je récapitule. C'est un objet de décoration qui se trouve un peu partout dans la maison. Ouais. Qui n'est pas électrique ni électronique. Non. Qui sert plutôt aux grands. Qui ouais. est plutôt un objet dans la maison. Ouais, on nous dit une armoire au 6322, c'est pas la bonne réponse. On me dit une table au 6322, c'est pas non plus la bonne réponse. Une chaise, c'est pas la bonne réponse. On me dit un tapis, non, ça c'était la réponse d'hier. 6322, toujours pas la bonne réponse. Allez-y, envoyez vos messages. 6322, des jeux vidéo à gagner, des goodies collector. On a plein plein de choses. En plus, il y a des nouveautés Fun Radio. J'ai vu en bas la personne qui s'occupe des cadeaux. On m'a dit qu'on avait des nouveaux cadeaux Fun Radio à vous offrir. Ah bon? Ouais, on a des nouveaux cadeaux. Donc allez-y, on me dit un vase au 6322, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Un objet de décoration. Est-ce que cet objet de décoration, on le trouve en grande surface? Oui, on peut le trouver en grande surface, ouais. Donc c'est pas dans un magasin spécialisé? Ça peut aussi être un magasin spécialisé, il y a les deux en fait. D'accord. Ça dépend lequel tu veux. Si tu veux un beau truc, on va dire, qui coûte cher, moi j'ai pris 9€. Toi, 9€, tu peux le trouver dans un supermarché, on va dire. Mais si tu veux un beau truc qui coûte 30-40€, là, faut aller plus dans les trucs spécialisés. On me dit un réveil au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. Allez, Kaufman, on va essayer de resserrer un peu tout ça. Parce que c'est pas ni électrique ni électronique, je vous rappelle. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est un objet qui est composé de matière végétale? De matière végétale? Attends, tu m'en demandes beaucoup sur la composition. Ouais, ça peut, ouais. D'accord. Est-ce que... j'ai une idée. Est-ce que ça s'allume? Et oui, ça s'allume. D'accord. Est-ce que... ce qu'il en ressort lorsque ça se consomme, ouais, sert aussi aux femmes pour s'épiler parfois? Ah oui, tu parles de quoi? De cire. Ah, de cire, oui, effectivement. C'est rempli de cire. Ça, c'est vrai, ça, c'est rempli de cire. D'accord, bah je pense que j'ai trouvé, je vais encore confirmer. Est-ce qu'il y a une mèche au bout pour l'allumer? Il y a une mèche au bout pour l'allumer. Allez-y, 6322, c'est le moment pour jouer. Là, on a plein de cadeaux. 6322, c'est vraiment le moment. Kaufman s'y approche. Il a quasiment trouvé la bonne réponse, donc allez-y, envoyez vos réponses. Kaufman. Est-ce qu'on souffle sur cet objet lors des anniversaires? Oui, on souffle. Bon anniversaire d'ailleurs à ceux qui sont nés le 25 septembre, les amis. Oui, c'est vrai, on y souffle dessus. Donc elles peuvent être de toutes les couleurs, elles peuvent être oui, de fantaisie. Je dis oui, Kaufman. D'accord. Ça peut être de toutes les couleurs. Kaufman. D'accord, bah je crois que j'ai trouvé, hein, c'est quelque chose finalement qu'on a tous chez soi et qu'on utilise par exemple quand les plombs ont sauté. Alors ah, oui, maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent leur GSM pour se repérer. Mais à l'époque, de mon temps, on allumait ces espèces de ah ouais pour s'éclairer. Effectivement. Et je peux trouvé. Donner un synonyme. Ah, dis-moi. Chandelle. Ah, une chandelle. Mais c'est pas le mot que je recherche, chandelle. Non. C'est un synonyme qu'on recherche effectivement. Ça commence par quelle lettre, Kaufman? Par un B. Ça commence par un B, effectivement. La deuxième lettre, c'est un O. La troisième lettre, c'est un U. Non, je m'arrête là. Mais qui donne toutes les lettres comme ça. Allez-y, 6322 pour envoyer la bonne réponse. Il vous reste que quelques secondes. Pour envoyer la bonne réponse, ça commence par bou bou bou, hein. Allez-y, bonne réponse. 6322, on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Je prends le gagnant juste après Major Lazer et Justin Bieber. Coldwater, on est en direct, c'est que du fun sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I won't jump right. I will still be patient with you. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son Dance Floor. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Réveillé avec Fun Radio, on continue le son Dance Floor avec Pitbull et Florida. Et là c'est le moment de savoir qui a gagné ou combien ça coûte et j'accueille Céline qui est avec nous. Salut Céline. Salut, vous allez bien? Salut Céline, bah ça va et toi? Bah ça va, je travaille. Au travail, tu fais quoi de beau dans le dimanche? Je suis infirmière à domicile. Infirmière à domicile, voilà, c'est un beau métier. Ouais, dur boulot. Courage, hein, Céline, dur boulot, beau boulot. Et dans quelle région?

something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Fun Radio. Fun. Égophonique. Fun Radio. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire. Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. Ailleurs. Ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine, son pompe pas. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su luxe à l'écran de grandir. Et je suis plus que jamais. Comment te dire? Je vais faire le tour de la terre, suis-moi dans mon pays. Je m'envole ailleurs. Faites attention, si vous êtes sur la route, nous on continue le son Dance Floor avec Sigala. Et place au Fun Game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, on vous parle de Call of Duty Infinite Warfare, le prochain opus de Call of. Donc on vous donne toutes les dates de la bêta qui se précise sur PS4 et One, puisqu'au début du mois, alors que Infinity Ward et Activision, les éditeurs, révélaient le multijoueur du jeu, nous vous annoncions ici la date de début de la bêta sur PS4. Aujourd'hui, on fait le plein d'infos sur la bêta également sur Xbox One. Donc on récapitule. Premier week-end, du 14 octobre à 19h au 17 octobre à 19h, uniquement sur PS4 pour les personnes ayant précommandé le jeu, par exemple chez Smart Toys. Okay. Donc vous pourrez tester le jeu totalement gratuitement si vous l'avez précommandé. Premier week-end du 14 octobre à 19h au 17 octobre à 19h. Second week-end du 21 octobre à 19h au 24 octobre à 19h sur PS4 et Xbox One, cette fois-ci uniquement pour les personnes ayant précommandé. Donc les deux cas de figure, si vous avez envie de tester Call of Duty, le prochain épisode Infinite Warfare, vous devez le précommander. Sauf que, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, j'ai eu la confirmation il n'y a pas très très longtemps, dans C'est que du fun, on aura des clés pour la bêta, même si vous n'avez pas encore précommandé le jeu chez Smart Toys, on vous filera quand même vos accès gratuitement pour tester le jeu et voir de quoi ce nouveau Call of Duty Infinite Warfare est fait. Donc ça se passera, et comme d'habitude, sur Fun Radio, on est premier sur le son Dance Floor, mais aussi sur les jeux vidéo, que voulez-vous, on va pas se refaire. Donc ok, courant octobre pour la bêta, c'est bien ça? Oui, le 14 au 17 et du 21 au 24, et donc on vous filera des codes d'accès, histoire que vous puissiez tester avec vos potes ce jeu-là. Ok, parfait. Kaufman, dans quelques minutes, on va s'intéresser à l'internet, au web, destination web. Oui, on parlera plutôt technologique peut-être cette fois-ci, de ces baskets Nike qui débarquent bientôt et qui se lassent tout seul. Fini les lacets, tu vois. Ah ouais. Un truc bien chiant. Et là, pour le son Dance Floor sur Fun Radio, voici Sigala et Give Me Your Love. Soyez les bienvenus. Welcome sur Fun. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. You give me searching around. I can't do this anymore, so give me your love. Le son dance floor continue avec Dua Lipa. Et là, on part direction le net, mais plutôt technologie aujourd'hui, Kaufman. On s'intéresse au basket. Oui, oui, oui, oui, oui. J'ai vu des baskets qui m'ont fait penser, tu vois, le film Retour vers le futur 2. Ouais. Il y a une scène où Marty débarque dans le futur à côté de Doc et ce dernier lui fournit des habits à la mode et parmi ceux-ci, des chaussures qui se lassent toute seule, elle-même. Et selon un tweet d'Heidi Burgett, les Hyper Adapt 1.0 de Nike seront disponibles à la vente à la date du 28 novembre, mais seulement à des points de vente Nike bien spécifiques qui se trouvent malheureusement aux États-Unis. Ah. Le prix n'a pas été encore révélé, mais crois-moi, ça va coûter. Ça a coûté un bras cette affaire. Ouais, mais c'est bien quand même. Ça se lasse tout seul, c'est magnifique. Ah ouais, tu les mets. Ah, ça, j'adore ça. J'aime bien qu'on reprend les trucs des films pour les faire en vrai. Ça, c'est pas mal, je trouve. Oui, oui, non, c'est plutôt un beau concept technologique. C'est quand la technologie se met au service de ta vie quotidienne. Parfois, ça peut donner de bonnes idées. D'ailleurs, en parlant de vie pratique, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on a un fil rouge ce matin entre 7h et 10h dans C'est que du fun. Je vous demande vos idées de petit déjeuner original, pas les pains briochés, pas les coucs au chocolat ni les croissants, mais plutôt les trucs originaux. On a eu plein de propositions, de notamment du macro. Du macro, ouais, qui m'a plutôt bien plu. On a eu des feuilletés au fromage avec de la charcuterie. On a eu vraiment, vraiment plein de choses. Si vous aussi, vous avez votre petite idée sur le sujet, vous nous envoyez par SMS au 3044 votre idée. Je la réalise la semaine prochaine en studio au 3044 pour 50 cents le message ou sur Facebook. J'ai publié un sujet. Même sur le Facebook de Fun Radio, j'ai publié un sujet. Sur le Twitter de Fun Radio, j'ai publié un sujet. Il est partout, lui. Bref, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas me donner l'idée de petit déjeuner qui vous donne envie, qui vous fait saliver. Ouais. Parce que nous aussi, on a droit aux idées originales. Il est fou, il fout ce type. Allez, dans quelques minutes, on a encore plein de choses à vous faire. On va faire la nouvelle séquence Tu peux ou Tu peux pas. Il y aura aussi la grande box Fun Radio. On a mis 4 places Astérix, on a mis 2 places de cinéma, on a mis des goodies jeux vidéo. On va appeler quelqu'un au hasard en Belgique, on a certainement encore des albums de 21 Pilots à vous offrir. Une grosse, grosse journée encore jusqu'à 10h. Là, ça va être la folie. Mais là, je vous propose d'écouter le son de Dua Lipa. Nous sommes en direct, et oui, 9h12 en direct. Bon réveil, bonne matinée, bon dimanche, en compagnie de Fun Radio. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, I'm the realest they get. Probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not there. And you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell, hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven. Radio. Fun. Le son Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Quel plaisir d'être avec vous le week-end, le samedi, le dimanche, 7h-10h en direct sur Fun Radio, c'est que du fun. Nous, on continue le son Dance Floor avec Ken Jones. Et dans quelques secondes, la nouvelle séquence de ce week-end, tu peux ou tu peux pas, je vous pose une question, une affirmation. Et Kaufman est au 3044, vous, allez-y, envoyez des messages, vous me dites si vous pouvez ou si vous pouvez pas. On va faire un exemple pour qu'on comprenne tout le monde là. Laver ta voiture le dimanche en Suisse, est-ce qu'on peut ou on peut pas? Si tu me donnes un jour précis, tu peux pas. Ah, effectivement, tu peux pas, c'est une loi qui l'interdit. Ah, il est malin celui-ci, attends, je vais trouver quelque chose d'un peu plus dur. D'accord, c'est trop vas-y. Malin toi, c'est trop malin. Ah, ça c'est bien ça. Péter dans ton bain sans que la bulle ne remonte dans l'eau, tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas. Tu peux pas pour toi? Non. Eh bien, je vous laisse sur cette affirmation. Allez-y, 30-44. C'est gracieux. Alors, franchement, oui. On se fait une émission un petit peu culturelle qui rehausse oui. Le niveau et tout. Mais on péter apprend des choses. On apprend des choses. Est-ce que péter dans son bain, est-ce que la bulle remonte ou pas? Bah allez. Non, c'est qu'elle empêche de remonter, j'en sais rien. Ah, attention, allez-y, 30-44, je vous donne la réponse juste après Ken Jones sur Fun Radio. On fait des débats de plus en plus ouf ici quand même. Je le fais pas dire. Ouais. Il y aura aussi la grande box Fun Radio avec les 4 places pour ACX, les places de cinéma, les goodies jeux vidéo. Il y aura encore les places et aussi l'album des 21 Pilots à vous offrir. Voilà, grosse encore matinée jusqu'à 10h. On est en direct sur Fun Radio. Excuse-moi, j'ai encore. Oui, mais c'est pas grave. Mais avec tout le programme que tu viens de me donner, j'ai l'impression qu'on est là jusqu'à 12h30. Je sais pas si on va réussir à tout faire jusqu'à 10h. Je ne sais pas, Kaufman. Je te mets au pari de tenir ça, Kaufman, ok? Ok, bah on va voir ça, ouais. Tu tiens les compteurs. Allez, Ken Jones qui arrive sur Fun Radio.

9h30 en direct sur Fun Radio. La journée commence bien là. Sac Noël, Sean Paul qui arrive. Et là, c'est le moment de jouer au tu peux ou tu peux pas. Je vous donne des affirmations. Et Kaufman et vous, au 3044, vous me dites si on peut ou si on peut pas. On avait une affirmation juste avant la pub qui était péter dans ton bain sans que la bulle ne remonte dans l'eau. Au 3044, vous avez dit qu'on pouvait pas. Kaufman, t'as dit que j'en sais rien, je me mêle plus à tes délires complètement scabreux. Eh bien, on peut pas, Kaufman. Et oui, c'est pas possible. La bulle remonte forcément en fait. Ah oui. Voilà, comme ça tu le sais quand tu vas prendre ton bain ce soir. D'accord, bah, je prends des douches donc tout va bien. Est-ce que habiter à Marseille aux États-Unis, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas? À Marseille aux États-Unis? Oui, habiter à Marseille aux États-Unis. Moi je me dis qu'on peut, ouais. Et oui, on peut. C'est une jolie petite ville dans l'Illinois. Ça s'appelle Marseille, oui. Comme en France. Are you speak English? Ouais, ouais, I am. T'en as pas que ça. Boire un verre d'alcool dans un bar de la Barbade quand tu as 10 ans, est-ce que tu peux ou tu peux pas? Tu peux. Ouais, tu peux. C'est un des rares états qui a dépénalisé totalement l'alcool. Effectivement, tu peux, mais uniquement si tu es accompagné quand même. Faut quand même qu'il y ait un parent qui surveille. Écoute, j'ai vu un petit gosse prendre un whisky, il avait 12 ans, il était au bar, et personne lui a rien dit. Allez-y au 3044 pour jouer avec nous. Tu peux ou tu peux pas, ça s'appelle. Hein. Inspirer par le nez et expirer par la bouche en même temps. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas. Essaye pour voir. Non, je peux pas. Effectivement, tu peux pas. C'est impossible. Faire boire de l'alcool à un poisson dans l'Ohio. Tu peux ou tu peux pas? Dans l'Ohio? Ouais. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Une loi l'interdit, effectivement. Et Kaufman, t'es très fort, toi. Ah, j'ai fait un sans faute, là. Oui, je cherche celle-là qui va te faire, qui va te piéger. Attends. Changer une ampoule si tu n'es pas électricien en Australie. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Ah, compliqué celle-ci. Bah, tu peux. Pour toi, tu peux. Changer une ampoule si tu n'es pas électricien en Australie. Pour toi, tu peux. Allez-y au 3044 pour nous dire si on peut ou on peut pas. T'es sûr de toi? Bah écoute, je suis pas une lumière, mais bon. Eh bien non, on peut pas. On doit être électricien certifié. D'accord. Donc on peut pas changer une ampoule comme ça. Tu changes les ampoules chez toi, Kaufman? C'est drôle que tu m'en parles parce que hier j'ai essayé. Non. Et puis comme un con, mais vraiment comme un con, je me suis aperçu que j'avais pas acheté le bon calibre de l'ampoule. Et donc tu vois, je tourne, je me dis mais merde, ça va pas. Et résultat, je me suis payé une ampoule à 6€ que je pourrais jamais utiliser. Tu nous as pas fait une Claude François quand même. Non, ça va. Mais écoute, je serais pas ici. Une dernière question. Faire voler un avion en papier pendant 27 secondes. Est-ce qu'on peut ou on peut pas? Allez-y au 44. Oui, on peut, il suffit de se mettre en haut d'un immeuble. Eh bien oui, on peut, mais c'est le record du monde. 27 secondes, c'est le record du monde. Et la longueur, 69 mètres, il a fait l'avion en papier. Ah oui, mais il a dû être projeté très haut à mon avis. Ouais, il a été projeté effectivement très haut, c'est passé en 2015, c'est le record du monde. 27 secondes, Kaufman, tu peux le tenter, essaye de prendre un avion en papier et de lancer. Oui, mais faudra dire, on n'est pas très très haut. Hein, ouais, donc, c'est vrai. À l'occasion, j'essaierai évidemment. Okay, très bien, dans quelques secondes, on a donc la grande box Fun Radio qui arrive, je vous l'ai dit, 21 Pilots également avec l'album, plus peut-être le concert. Et on a le fun game, on a encore un fun game ou pas, Kaufman? Oui, on parlera rapidement pendant de la nouvelle Xbox One S qui sort, un bundle Minecraft a été annoncé. Bref, on aura fait le tour aujourd'hui entre le jeu vidéo, le web, les infos un petit peu saugrenues, genre le tu peux, tu peux pas, les infos sportives, les cadeaux qu'on vous a déjà filés et qu'il nous reste à vous filer. On est content. Chaque samedi, chaque dimanche, Fun Radio vous propose un morning 100% belge. Si vous venez de vous lever, soyez les bienvenus. Voici Chaque Noël et Sean Paul avec Trumpet sur Fun Radio. You see that girl with the big tic-tac, if you give me the, head to the floor, girl, give me the, bend over, girl, and give me the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and give me the, top wine, girl, and give me the, body look fine, girl, give me the, coming out, waste some time, girl, give me the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Calling two friend and then doubly, doubly. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. De nous écouter, Fun Radio, c'est aussi sur internet funradio.be. Le son dance floor continue. Martin Garrix. Et là, on s'intéresse aux jeux vidéo avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Visiblement, Microsoft a envie de revenir sur le devant de la scène puisqu'ils nous sortent déjà des packs complètement custom. On en a la preuve avec le pack Xbox One S FIFA que Fun Radio vous offrira en exclusivité toute la semaine prochaine dans Fun Radio Connected à partir de 20h. Ne manquez pas ce rendez-vous avec Dylan. Mais c'est pas tout parce que Xbox One S va être décliné aussi avec d'autres jeux, dont notamment Battlefield, un bundle spécial donc, mais aussi, et c'est plus étonnant, un bundle Minecraft. Au programme de ce bundle, nous retrouverons les éléments suivants, donc la Xbox One S de 500Go avec sa manette, un pack des DLC préférés de Minecraft, donc tu auras vraiment un choix assez exceptionnel, le pack du créateur Minecraft. En plus, ils te font cadeau de Minecraft édition Windows 10. Okay. Donc tu peux y jouer gratos là-dessus. 14 jours d'essai au Xbox Live Gold. Et le tout sera vendu vraiment pour un prix défiant toute concurrence, à savoir 299,99€. Ah oui. Voilà. Et en fait, quand on achète un pack, c'est moins cher en fait. Bah, c'est toujours un peu plus avantageux parce qu'il y a le jeu qui fait qui compense un petit peu la différence, quoi, tu vois. Ok, donc tu vois, si on achète par exemple la console plus le jeu séparé, ça coûte plus cher. Normalement ça coûte plus cher. Ok, d'accord, ça, sympa à savoir ça, que la box coûte moins cher et qu'il faut donc l'acheter là, l'Xbox Xbox S, c'est ça ? Xbox One S qui est à gagner toute la semaine prochaine, accompagné en plus, de FIFA 17. Énorme cadeau. Fun Radio Connected 20h, 22h avec notre ami Dylan qui vous donne déjà rendez-vous demain, et FIFA 17 sera également à gagner. Fun Radio est vraiment numéro 1 sur les jeux vidéo, restez bien branchés. Ouais, à venir la grande box Fun Radio, 4 places pour Astérix, 2 places de cinéma. Il y aura aussi des goodies jeux vidéo qu'on a mis dans la box Fun Radio. Je vais appeler quelqu'un au hasard en Belgique, ça peut tomber chez vous, ça peut être vous, donc faites attention, j'appelle dans quelques secondes sur Fun Radio. Décrochez si je vous appelle, on est en privé, donc décrochez, j'appelle juste après Martin Garrix sur Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in, would you let me do it first, do it all in the name of love, would you let me lead you in? When you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the would you rise up, come and meet me in the sky, would you trust me,

fairness and equality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? On continue le son Dance Floor avec Jonas Blue sur Fun Radio. C'est l'heure de la grande box Fun Radio. Et oui, chaque week-end, on met des cadeaux dans la box Fun Radio. Et j'appelle quelqu'un au hasard en Belgique. Aujourd'hui, la box Fun Radio contient 4 places pour le parc Astérix, des goodies jeux vidéo et 2 places de cinéma. On est bien d'accord, Kaufman ? Oui, oui, j'ai vérifié la box. Là, je vais la fermer parce qu'à chaque fois qu'on appelle quelqu'un, ouais, on la ferme histoire de voir si c'est gagné, bah, de l'envoyer directement au gagnant. Alors moi, je sais que tu vas me poser la question. Ouais, je vais te poser la question parce qu'on a sélectionné, voilà, 4 numéros déjà au hasard, mais pour que le hasard soit encore plus entier, je te demande de choisir un chiffre entre 1 et 4. La 1. La 1, très bien. Je l'appelle alors, c'est parti. On va voir si la personne va répondre déjà, parce qu'on avait beaucoup de personnes le matin, voilà, ils répondent pas. Numéro privé. Ou très très fatigué, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ah, ça va sonner. Ça sonne. Il faut répondre Fun Radio à la question: quelle radio t'offre le plus de cadeaux? Et la box est. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quelle radio vous offre le plus de cadeaux? Bonjour. Allô. Ouais. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Oh, raccroché au nez. Ah, mais tu sais pas le faire, toi. Ouais, t'as vu, c'est bizarre, hein. Mais c'est quoi, on le retente vite? Non. On le garde ça pour la semaine prochaine. Tu veux retenter quelqu'un d'autre? Vas-y, on va retenter. Ah, vite. Vas-y, j'appelle vite. Parce qu'on on est généreux, hein, parce que normalement, dans le règlement, il aime bien marquer une fois par jour. Si ça tombe maintenant, je suis mal. Je retente quelqu'un d'autre. Vas-y. Je te laisse, vas-y. Avec une belle voix. Avec une belle voix? Oui. T'es sûr que tu veux y aller, alors? Dépêche-toi, on est en retard après. Allez, est-ce que ça va répondre? Ah, on aura tout essayé, hein. Ouais. Encore une sonnerie ou deux. Ouais, je t'attends. Ouais, encore une dernière. Tant pis, voilà, on aura essayé. Tant pis. On remet la grande box Fun Radio en jeu dès samedi prochain à 7h du matin. La grande box reviendra avec encore plus de cadeaux. Ouais, on va rajouter des cadeaux, c'est ça qui est important à dire. Le cadeau, je vous le donne pas maintenant, trop facile. Non, je vous le donne samedi matin, le cadeau. Donc restez bien branchés, samedi dès 7h, je vous donne le cadeau qu'on rajoute dans la grande box Fun Radio. Ça peut tomber chez vous. Il y a déjà beaucoup de cadeaux là quand même. Il y a beaucoup. Ouais, 4 passes Astérix, 2 places cinéma, goodies jeux vidéo. On va encore en rajouter, beaucoup de cadeaux. Donc ça peut tomber chez vous, on sait jamais, les amis. Dans quelques minutes, on a également encore l'album à faire gagner des 21 Pilots. L'album, mais pas seulement, hein. Vous partirez peut-être tout à l'heure à Helsinki en Finlande. En tout cas, vous aurez peut-être la nouvelle. Vous envoyez d'ores et déjà concert au 6322. Fun Radio est partenaire de moments privilégiés, des meilleurs concerts. Et là, voici Nivon So, Dance Floor, Jonas Blue et Perfect Stranger sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. Your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize.